chante mon cul sur la commode. C'est gagné, t'as trouvé la méthode. Dans 6 mois, tu seras à la mode. Pense pas trop, va des rétro. Si j'ai vu sa petite église, c'est tout près du Doukaboulo. C'est net autant des cerises. Pense pas trop, va des rétro. La rengaine, c'est la même depuis les Grecs et les Ostrogoths. Et on danse, on avance à reculons comme dans un tango. On tourne en rond, on revient au départ. On voit sortir la nouvelle vague du fond d'un vieux tiroir. Si ta petite amie Médérave qui allait à Cléo de Mérode, c'est pas pour le plaisir, c'est la mode. Pense pas trop à des rétros. J'ai vu les rois du pétrole qui allaient à Monte Carlo. C'est les années folles. Pense pas trop à des rétros. La rengaine, c'est la même depuis les Grecs et les Ostrogoths. Et on danse, on avance à reculons comme dans un tango. On tourne en rond, on revient au départ. On voit sortir la nouvelle vague du fond d'un vieux tiroir. Si chacun a sa belle époque, c'est pour lui c'est le rococo. Pour toi c'est le temps du rock. Pense pas trop à des rétros. Si tu chantes mon cul sur la commode, c'est gagné, t'as trouvé la méthode. Dans 6 mois tu seras